Les membres de la délégation des femmes cadres de l'Association générale des Coréens en Chine, qui avaient participé à la 6e conférence de l'Union démocratique des femmes de Corée, ont adressé le 22 courant une lettre au maréchal Kim Jong-un. Voici le résumé. Le maréchal Kim Jong-un est le destin des compatriotes coréens d'outre-mer. Et la patrie dirigée par lui est le giron du grand soleil pour notre vie éternelle. Au cours de la conférence, nous avons remémoré les exploits immortels des grands hommes sans pareil qui ont formé nos femmes objets du joug féodal et du martyr, en force puissante qui pousse une idée des roues de la révolution et en héroïne de l'époque. Sous la direction du père affectueux, des sinistrés de la province du Hamgyong du Nord sont emménagés dans les nouvelles maisons et les orphelins du jardin d'enfants de Pyongyang vivent sans aucun souci dans le palais des enfants, unique dans le monde. Les personnes âgées de la maison de retraite de Pyongyang se rajeunissent. En regardant de nos propres yeux cette réalité éblouissante de la patrie qui se transforme du matin au soir à l'allure de Malima, nous avons vivement éprouvé la fierté de la Nation du Soleil d'avoir honoré notre maréchal, dirigeant éminent, incarnation suprême de la vertu, vénéré par le monde entier. Nous souhaitons bonne santé au maréchal Kim Jong-un, soleil de la puissance Pektusan et père affectueux de toutes les femmes coréennes en Chine, pour la prospérité éternelle de la patrie socialiste et le bonheur éternel de 80 millions de compatriotes.